Chapitre 3e. Découverte. Depuis quelque temps, Cécile n'avait eu aucune communication avec la famille d'Elleville, que sa prudence, aussi bien que sa fierté, l'empêchait de rechercher, lorsqu'un matin qu'elle était avec Mademoiselle Belfield, on annonça que M. Delville était dans le salon. À cette nouvelle, Cécile tressaillit et changea de couleur. Mais quelle ne fut pas sa surprise, en voyant la même émotion peinte sur le visage de Mademoiselle Belfield, qui, se levant tout à coup, s'écria « Mon Dieu, M. Delville !» Connaîtriez-vous M. Delville, mademoiselle ? M. Delville fréquente-t-il cette maison ? Quelquefois, pas souvent, répondit Cécile. Mais pourquoi cette question ? Je n'en sais rien, mademoiselle. Je ne l'ai faite que par hasard, je crois. Mais c'est bien. C'est seulement, je ne savais pas. Et rougissant très fort, elle se remit à sa place. Cécile, en proie au sentiment le plus pénible, et abîmée dans ses réflexions, garda pendant quelques minutes un profond silence et resta tout à fait immobile. Elle sortit de la chambre, et n'osant s'arrêter pour faire des questions, elle se hâta de se rendre dans l'appartement où Delville l'attendait. Il lui fut impossible de prononcer un seul mot, et elle le salua sans rien dire. Frappée de son air et de la manière extraordinaire dont elle le recevait, bientôt aussi décontenancée qu'elle, il lui fit un million d'excuses aussi embrouillées qu'inutiles sur sa visite, et en oublia si bien le sujet qu'il avait déjà pris congé et allait sortir avant de se le rappeler. Il revint pour lors, et affectant de rire de sa distraction, il lui dit qu'il n'était venu que pour lui apprendre que les ordres dont elle avait daigné l'honorer étaient exécutés de manière à lui faire espérer qu'elle en serait satisfaite. Cécile, qui avait oublié qu'il lui en eût jamais donné, attendit qu'il s'expliquât. Il lui apprit qu'il avait présenté cette même matinée M. Belfield au comte de Van Eldt, et qu'il en avait déjà ouï parler très avantageusement par des personnes de sa connaissance qui avaient fait leurs études à l'université avec lui, et qu'il avait été si content de son protégé dès la première vue qu'il se proposait, après quelques informations qui ne pouvaient que tourner à son avantage, de lui confier son fils aîné prêt à commencer ses voyages. Cécile le remercia des peines qu'il s'était données pour une affaire à laquelle elle s'intéressait. Elle lui demanda ensuite des nouvelles de la santé de sa mère. « Elle est fort bien, » répondit-il avec un sourire qui ressemblait assez à un reproche. « Aussi bien qu'une personne qui s'était flattée d'être aimée de vous peut l'être après avoir vu ses espérances trompées. Quoique je convienne volontiers de voir beaucoup aux lumières de ma mère, peut-être aurais-je été dans le cas de lui donner une leçon utile, celle de fuir plutôt que de chercher ses plaisirs dangereux, dont la privation, après qu'on les a goûtés, devient insupportable et trouble notre repos. » Il lui fit ensuite la révérence et sortit. Ce reproche inattendu et le compliment encore plus imprévu qui l'accompagnait, paraissant renfermer un sens plus étendu que celui qu'il présentait, augmentèrent la confusion de Cécile. Elle se douta qu'il ne s'était servi du nom de sa mère que pour faire l'apologie de sa propre conduite, et cependant, pour qu'elle évitât et fuir sa société, supposait que ce fût là le sens de son allusion et ce qu'il appelait fuir des plaisirs dangereux. C'était ce qu'elle ne pouvait comprendre. Fâchée cependant de la façon brusque dont elle avait quitté Mademoiselle Belfield, elle ne perdit pas un moment pour aller la rejoindre, et lorsqu'elle entra dans sa chambre, elle la trouva occupée à regarder au travers de la fenêtre, suivant des yeux un objet avec tant d'attention qu'elle ne s'apercevait pas de son arrivée. Cécile, qui ne put plus douter du motif de sa curiosité, s'abstint de la distraire. Au bout de quelques minutes, elle cessa de fixer la fenêtre, et levant les yeux au ciel, joignant les mains, elle dit d'une voix basse « Puisse le ciel le protéger et le bénir !» Puisse-t-il ne jamais éprouver des tourments tels que les miens ? » À ces mots, un soupir échappé à Cécile la fit tressaillir et se tourner du côté de la porte. Elles rougirent extrêmement l'une et l'autre au moment où leurs yeux se rencontrèrent, et tandis que Mademoiselle Belfield tremblait d'avoir fait connaître ses vrais sentiments, Cécile avait à peine la force de se tenir debout. Le silence pénible et embarrassant qui suivit ne fut interrompu que par les larmes que Mademoiselle Belfield n'eut plus la force de retenir. Mais Cécile, attendrie, oubliant pour le moment ses propres intérêts, l'embrassa tendrement, sans cesser de garder le silence, craignant de la questionner et redoutant d'entrer en explication. Mademoiselle Belfield, touchée de ses bontés, la serra dans ses bras, et cachant son visage dans son sein, s'écria en sanglotant « Peut-on être malheureuse lorsqu'on est aimé de vous ? S'il m'était possible, vous seriez la seule personne au monde que j'aimerais. Permettez dans ce moment que je vous quitte, et demain je vous instruirai de tout ce qui me regarde. » Cécile, qui ne désirait point de la retenir, l'embrassa de nouveau et la laissa partir. Après son départ, elle demeura quelque temps interdite. La pureté de son cœur et la justesse de son discernement l'avaient préservée jusqu'à ce moment d'erreur et de blâme. La scène était prodigieusement changée. Elle se trouvait tout à coup dans une conjoncture très délicate. Le hasard venait de lui faire découvrir une rivale dans sa meilleure amie. Son attachement pour Mademoiselle Belfield et les promesses de lui être utile rendaient la découverte qu'elle venait de faire plus embarrassante et détruisaient le projet qu'elle avait de vivre avec cette amie. La pitié que Mademoiselle Belfield lui inspirait n'était cependant point diminuée par la jalousie. Elle ne soupçonnait pas qu'elle fût aimée de Delville, dont l'ambition lui faisait redouter plutôt une rivale d'une essence plus élevée que d'imaginer qu'il se fût arrêté un seul instant à penser à la pauvre Henriette. Cela n'empêchait cependant pas qu'elle ne fût très impatiente de savoir depuis quand ils se connaissaient, combien de fois ils s'étaient vus, quelle attention lorsqu'ils s'étaient entretenus ensemble il avait faite à elle, et l'époque où cette dangereuse passion s'était emparée de son cœur. Quoique cette curiosité fût aussi vive qu'elle était naturelle, son premier soin fut cependant de réfléchir à la manière dont elle devait se conduire dans cette conjoncture. Elle ne croyait pas avoir le droit d'écouter une pareille confidence. Elle était certaine que cette jeune personne ignorait qu'elle y eût un si grand intérêt, puisqu'elle n'avait pas même imaginé qu'elle connût Delville. Elle avait donc droit, non seulement à des conseils, mais même à de bons offices de sa part. Ne serait-ce pas une espèce de trahison que de savoir tout d'elle sans l'aider en rien, de se prévaloir de sa confiance pour en apprendre tout ce qui avait quelque rapport à un homme qu'elle se flattait un jour de voir être son époux et satisfaire une curiosité intéressée aux dépens d'une bonne foi, d'une simplicité, d'une candeur aussi rare que précieuse? « Non, s'écria Cécile, jamais je n'emploierai les artifices que j'ai toujours détestés. Cette tendre, cette charmante fille ne me dira rien. Trahie déjà par sa trop grande confiance et son trop de facilité, mon cœur n'en amusera pas, et elle ne sera point dupe de sa franchise. » Elle résolut donc d'éviter soigneusement de s'entretenir sur ce sujet, puisqu'elle ne pouvait lui donner de conseils sans s'exposer à être soupçonnée d'avoir eu des vues intéressées. La franchise naturelle de Cécile lui avait même suggéré non seulement de recevoir la confidence de Mademoiselle Belfield, mais aussi de lui répondre en lui faisant la sienne. Des réflexions lui firent bientôt sentir le danger d'une pareille démarche, qui n'aurait abouti qu'à les humilier l'une l'autre, et qui, vu la conformité de leurs prétentions mutuelles, aurait peut-être fini par leur inspirer de la défiance et de la haine. C'est pourquoi, lorsque Mademoiselle Belfield, suivant sa promesse, se présenta le lendemain avec plus de timidité et rougissant plus qu'à l'ordinaire, Cécile, sans paraître s'apercevoir de sa confusion, lui dit qu'elle était très fâchée d'être obligée de sortir et trouva le moyen, sous différents prétextes, d'éloigner une conversation qui devait être également pénible pour l'une et pour l'autre. Cécile sortit pour rendre visite à Madame Delville et ramena son amie à son nouveau logement. Mademoiselle Belfield, supposant que tout cela n'était qu'un effet du hasard, fut enchantée de cette espèce de répit et ne tarda pas à reprendre sa gaieté naturelle.